Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose de réécouter cette semaine une série d'émissions enregistrées en décembre 2017 sur la fatigue. Quel est votre remède contre la fatigue ? Il est une fatigue qu'une bonne nuit de sommeil, une semaine de vacances ou une année sabbatique ne suffisent pas à effacer. Une fatigue tenace qui ne s'explique pas par le manque de sommeil ou la surcharge de travail. Alors qu'est-ce qui, dans l'existence, nous épuise tant ? Je ne sais pas si à cette fatigue il existe un remède, mais je sais qu'en lui mettant du baume, en la recouvrant de beauté, la vie paraît soudain plus légère. Entre 1880 et 1900, quand Nietzsche rédigeait « Aurore », Georges Delibes composait « L'Acmé » avec ce duo des fleurs que je vous offre. Céline Donat, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims. Vous avez écrit « Nietzsche, généalogie d'une pensée » paru aux éditions Belin l'an dernier. Vous aviez coécrit avec Patrick Wöttling un dictionnaire Nietzsche, toujours disponible chez Ellipse. Pas trop fatigué ? Non, en tout cas, j'oublie que je suis fatiguée en étant ici. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est parce qu'à cette question, tout le monde répond oui, ou presque, hein, c'est ce que vous dites. Vous dites un oui de caché, en fait. Dans votre réponse, on entend bien que finalement, il y a un oui. Est-ce que c'est parce que tout le monde répond oui, je suis fatiguée à la question, êtes-vous fatiguée, que Nietzsche a vu dans la fatigue le symptôme d'une humanité, disons, décadente ? Alors, je ne sais pas si à l'époque de Nietzsche, la réponse était aussi courante que cela. Mais... lui, en tout cas, constatait, effectivement, d'une part, dans le domaine culturel, l'expression, par exemple, dans le domaine de l'art, l'expression d'une fatigue, de ce qu'il appelle aussi également parfois une sorte de dégoût de la vie ou de lassitude de la vie, qu'il considère effectivement, comme vous le dites, comme un symptôme, et comme un symptôme qui découle des valeurs, dit-il, qui dominent l'Europe depuis des siècles, qui sont des valeurs à la fois posé par des gens déjà fatigués, déjà épuisés, hein, même vous dit-il généralement, et qui à leur tour engendrent sans cesse davantage de fatigue jusqu'à ce que l'on arrive à l'époque moderne, selon lui, à un état d'épuisement généralisé. Il écrivait ça à la fin du 19e siècle, alors que dirait-il aujourd'hui ? Parce que je ne crois pas que selon son point de vue, les choses se soient arrangées. Les choses en tout cas seraient sans doute jugées au moins similaires par Nietzsche, pas en mesure de juger de la question de l'accroissement par rapport à l'époque nietzschienne. Mais il y aurait au moins quelque chose de similaire, alors qui se manifeste selon Nietzsche de différentes manières, parce que somme toute la fatigue n'est pas une. On peut constater des choses, certes, qui peuvent relever de l'apathie, du sentiment du « à quoi bon » qui nous pousse à ne rien faire, à ce qu'on appellerait un état de dépression ou d'aquabonisme, comme on le dit parfois. Mais aussi bien, ça peut se manifester par quelque chose qui peut paraître exactement l'inverse, à savoir par une espèce d'agitation excessive ou d'hyperactivité, en quelque sorte. Nietzsche dit régulièrement, finalement, dans l'état d'épuisement où se trouve l'homme moderne, il est incapable de se concentrer sur lui-même, de rester, alors le thème est un peu pascalien, de rester au repos avec lui-même. Il tend à être incapable de ne pas réagir aux sollicitations extérieures, et même il préfère se perdre dans la multiplicité des sollicitations et des divertissements extérieurs pour n'avoir pas à penser, à se pencher sur lui-même, pour n'avoir pas à produire l'effort véritable que peut demander, par exemple, la réflexion philosophique ou la création artistique, etc. Donc etc. L'hyperactivité est une manière de s'oublier, de se divertir, dirait Pascal, c'est-à-dire de se voiler la face. Oui. C'est le signe d'une absence de force suffisante pour regarder les choses en face, à savoir que notre condition d'être mortel est bien d'être fini, c'est-à-dire que nous allons mourir et que nous ne pouvons pas passer notre temps à y penser, que notre vie n'a pas forcément de sens, donc il vaut mieux l'oublier. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire il y a étrangement une forme d'agitation vraiment majeure qui provient de la fatigue plutôt que de la force. Et Nietzsche le présente vraiment parfois en termes physiologiques plutôt que purement psychologiques. Il dit que quasiment physiquement, corporellement, ouais. On n'arrive pas à se retenir, c'est-à-dire on est sollicité par... Alors parfois il donne des exemples un peu concrets. Hein. On n'arrive pas à n'être pas sollicité par la vision de la brasserie du coin de la rue où il faut aller boire une bière. On se perd dans la lecture des journaux qui nous happent au coin de la rue, etc. On pourrait penser à des choses plus contemporaines à notre époque, mais qui n'existaient pas à celle de Nietzsche. Mais en tout cas, cette idée, effectivement, que nous sommes dans un état de nerfs, hein, en quelque sorte, tel qu'effectivement, nous sommes appelés, happés constamment par une multitude d'activités. Et Nietzsche emploie parfois le terme de divertissement, hein, effectivement. Ouais. Qui nous évite, somme toute, d'avoir à produire des efforts orientés et consistants, en fait, visant à des tâches, on va dire, réellement productives, qui peuvent aussi bien être d'ordre intellectuel que d'un autre ordre, hein, bien sûr. On trouve chez Nietzsche le terme de fatigue, mais aussi selon les traductions, celui de lassitude, d'épuisement. Est-ce que la fatigue... En soi, chez Nietzsche, alors on se faisait la remarque avant le début de cette émission, Céline Denat, qu'il n'y avait pas vraiment d'études qui portaient directement sur la fatigue chez Nietzsche. Pas de façon centrale, non. Voilà, alors que c'est un terme justement qui revient souvent, l'expression de grande fatigue est assez connue, on va y revenir. Est-ce que le terme de fatigue chez Nietzsche renvoie à quelque chose de particulier ? Alors, ça renvoie, c'est-à-dire il y a à mon avis effectivement une unité du terme de fatigue. Alors vous mentionnez le terme de lassitude, moi dans les exemples dont j'ai connaissance, assez souvent la distinction relève du choix du traducteur, c'est souvent le même terme en fait. Qui est en allemand c'est Müdigkeit. C'est ça, qui est traduit tantôt en fonction du contexte, hein, effectivement on est porté parfois à traduire plutôt par fatigue ou par lassitude. En l'occurrence, la distinction française qu'on entend spontanément serait trompeuse dans le cas de Nietzsche parce que elle peut laisser entendre l'idée d'une fatigue d'un côté purement corporel et puis une lassitude qui serait plus physiologique, alors qu'en fait chez Nietzsche cette distinction-là n'existe pas du fait de la manière dont il conçoit l'homme tout entier, à savoir comme un complexe au sein duquel physiologie et psychologie sont intriquées, ne sont pas distinctes. Donc on peut parler effectivement, pour revenir à votre question, d'une unité globale initiale de la notion de fatigue, de Müdigkeit, effectivement, qui s'entend donc comme un état physio-psychologique tout à la fois, qui induit effectivement une incapacité à se confronter à la réalité dans ce qu'elle peut avoir de difficile ou de douloureux, ou à se confronter aux efforts que requiert l'existence. Donc c'est une fuite, c'est une lâcheté la fatigue. C'est souvent présenté comme ça chez Nietzsche, c'est tout à la fois le résultat et la source d'une fuite et d'une lâcheté, effectivement. Mmh. C'est-à-dire on se détourne du réel ou de certains aspects, en tout cas du réel, parce qu'effectivement on est fatigué, et le fait même de se détourner ne fait qu'accroître finalement l'état de fatigue qui se nourrit de lui-même sans cesse davantage. Mais donc la fatigue c'est le lot commun, nous sommes tous fatigués dans la mesure où nous avons tous du mal à être vraiment lucides sur notre propre existence. Voilà, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est inhérent à l'humain, il n'y a pas de vie humaine sans fatigue. Après, au-delà de ce sens extrêmement général, d'état physiologique tel qu'on vient de le décrire, ce que cherche manifestement à penser Nietzsche, c'est, comme il le fait souvent à propos de tout état ou de tout sentiment, ce sont des différences de degré ou de forme, éventuellement, de forme de réalisation de cette fatigue, qui peuvent induire en fait des manifestations, alors on l'a un peu vu tout à l'heure, des manifestations extrêmement variées, voire apparemment opposés. Il y a des fatigues, par exemple, qui vont être, on va dire, productives. C'est-à-dire, pour prendre des exemples très simples que Nietzsche sollicite parfois. Alors, beaucoup, entre autres, dans les textes plutôt autobiographiques, dans sa correspondance, il y a effectivement chez Nietzsche une expérience, par exemple, de la marche qui fatigue, du mouvement qui fatigue, mais en même temps qui pousse à mieux penser, à penser davantage qu'on ne le ferait en restant assis à sa table et en étant, comme il le dit méchamment à propos d'un, d'un auteur français, une sorte de cul de plomb. Il parle de Flaubert. Voilà. Qui, on peut le citer, il est mort. Qui préfère s'épargner, en quelque sorte, en prétendant mieux penser par là, alors que Nietzsche vous dit, somme toute, se fatiguer, faire le choix. Alors, non pas être fatigué par d'autres, mais pouvoir faire le choix de se fatiguer, corporellement et tout à la fois mentalement, somme toute, ça peut produire, ça peut engendrer du nouveau. Que des états statiques et apparemment moins fatigants ne seraient en aucun cas engendrés. Voilà, la fatigue ne s'oppose pas forcément à l'inactivité. Oui. Voilà, on peut être suractif et fatigué. Et inversement, on peut marcher, voir que l'épuisement physique parfois entraîne un regain, disons, de vitalité. D'énergie, ouais. Et d'énergie, ça Nietzsche en parle très bien. On va écouter un texte tout de suite, un extrait de ses œuvres complètes. Hein, donc des pensées qui sont peut-être un peu moins connues que les œuvres publiées sous un nom, hein, au sein d'un recueil. Nietzsche a cette manière assez cocasse, finalement, de, une fois avoir posé le constat de la fatigue universelle, constitutive de notre être même, eh bien de dire que voilà, lui choisit de dire oui ou de dire non de manière très binaire. Il y a des choses auxquelles il dit non. C'est à tout ce qui rend faible et à tout ce qui épuise l'homme. Écoutez ce texte. J'ai la chance, même si c'est aussi un honneur, d'avoir retrouvé la voie qui, après des millénaires d'erreurs et d'errance, mène à un oui et à un non. J'enseigne le non à tout ce qui rend faible, qui épuise. J'enseigne le oui à tout ce qui rend fort, qui met de la force en réserve, qui suscite la fierté. Jusqu'à présent, on n'a enseigné ni l'un ni l'autre. On a enseigné la vertu, le renoncement, la compassion, on a même enseigné la négation de la vie. Tout cela, ce sont valeurs d'épuisés. Une longue réflexion sur la physiologie de l'épuisement m'a obligé à me demander jusqu'à quel point les jugements des épuisés ont pénétré dans le monde des valeurs. Le résultat auquel je suis parvenu fut aussi surprenant que possible, même pour moi qui étais déjà familier de plus d'un monde inconnu. Je trouvais que tous les jugements suprêmes de valeurs, tous ceux qui dominent l'humanité, du moins l'humanité domestiquée, peuvent être ramenés à des jugements d'épuisés. C'est à moi d'enseigner que le crime, le célibat, la maladie sont des conséquences de l'épuisement. Sous les noms les plus saints, j'ai démasqué les tendances destructrices. On a appelé Dieu ce qui affaiblit, enseigne et inocule la faiblesse. J'ai trouvé que l'homme bon était une forme d'auto-acquiescement de la décadence. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h14, c'est le premier temps de notre série d'émissions sur la fatigue qui tombe bien à propos, n'est-ce pas? Et l'auteur qui écrit « C'est à moi d'enseigner que le crime, le célibat, la maladie sont des conséquences de l'épuisement », c'est Friedrich Nietzsche qui nous accompagne aujourd'hui grâce à la philosophe Céline Denat qui est maître de conférence à l'université de Reims en Champagne-Ardenne et qui donc vient nous éclairer sur le rapport de Nietzsche à cette fatigue, cette grande fatigue. Alors dans ce texte, il parle surtout d'épuisement. Hein, il parle de ces jugements d'épuisés qui constituent notre société. On va y venir dans un instant. D'abord, cette phrase, quand même, c'est à moi d'enseigner que le crime, le célibat, la maladie sont des conséquences de l'épuisement. C'est de la provocation. C'est, à mon sens, alors c'est un texte qui est un brouillon, hein, qui n'est pas publié tel quel dans les ouvrages que l'on connaît par ailleurs. Mais c'est à mon sens typiquement le genre de formules que Nietzsche affectionne et qui sont destinées au moins en partie, pas uniquement, mais au moins en partie à choquer le lecteur et à le faire réagir. Au-delà du choc possible et sans doute inévitable, c'est néanmoins un type d'énoncé qui a du sens. Alors dans le contexte dans lequel il est énoncé parce que il semble que ce que Nietzsche cherche à dire, c'est que, somme toute, la manière dont nous traitons l'homme, au lieu de le guérir de ce que nous considérons parfois comme, comme des maux, le crime hein, par exemple. Au contraire, nos manières de procéder à l'égard de l'homme engendrent les maux mêmes que nous cherchons à éviter. Alors, puisque le cas du crime est sans doute la partie de l'énoncé le plus choquant, mm-hmm. je peux essayer courageusement, mais en prenant quelques risques, de m'y attaquer. Nietzsche explique parfois finalement que les valeurs morales qui sont les nôtres, qui sont des valeurs binaires, duelles entre bien et mal, et qui visent à accorder une valeur absolue à certains modes de comportement, à certains affects, à certains sentiments, et puis à l'inverse à dévaloriser entièrement certains autres types de comportements ou d'affects sous-jacents, ça nous conduit en fait à vouloir, à prétendre, extirper de l'homme tout ce qui serait absolument mauvais. Par exemple, sentiment d'envie, de jalousie, la cruauté, etc. Or, ce que Nietzsche cherche à montrer dans différents textes, c'est que cette logique d'extirpation, finalement, elle ne marche jamais parce que ces sentiments restent là et sont d'autant moins bien maîtrisés, d'autant moins bien évalués, somme toute que on prétend vouloir s'en débarrasser complètement, en fait. Donc, du coup, cette espèce de traitement excessif, trop radical qu'on accorde à l'homme et à ses tendances jugées mauvaises, il se pourrait que ça ne fasse que favoriser davantage ce que nous nommons le mal et le crime, parce que il faudrait envisager des manières plus fines de traiter la diversité et la variété des sentiments humains. Favoriser la maîtrise plutôt que l'extirpation que Nietzsche résume parfois en citant la formule biblique « si ton œil droit te blesse, arrache-le ». Cette logique d'arracheur de dents, hein, dit-il dans le Crépuscule des idoles, je crois, qui finalement ne fait qu'aggraver finalement les choses que nous cherchons à combattre. Et le reste de l'énoncé, pardon. Ça s'inscrit contre toute forme d'hygiénisme, de moralisation alors, de la société qui vise à rendre l'homme le meilleur possible. C'est ça. Ou en tout cas, si on veut penser l'homme le meilleur, alors Nietzsche dira plutôt le plus beau possible, ou le plus parfait, ou le plus puissant possible, il n'y aura jamais de perfection absolue, il y a cette idée qu'il faut favoriser plutôt une logique de la reconnaissance de ce que nous sommes, et puis d'une certaine forme de maîtrise et peut-être même d'esthétisation de ce que nous sommes, plutôt qu'une logique effectivement de l'extirpation. Cette logique de l'extirpation sur un autre plan, elle se retrouve dans l'autre cas que Nietzsche évoque ici, à savoir alors le cas du célibat, pareil, c'est un exemple qui est volontairement pris de façon un peu polémique. Le célibat, la conséquence de l'épuisement, on pourrait dire le mariage aussi. Hein. Peut-être, mais je pense que ce que Nietzsche vise par là, en fait, c'est plus largement le rejet de la sensualité, en fait, par exemple. Certes, le mariage peut aussi impliquer le rejet de la sensualité, mais à mon sens, il y a cette idée, effectivement, que l'homme qui chercherait à échapper à sa propre corporéité et à tout ce qu'elle implique, cela relève effectivement du type de valeur platonicienne et chrétienne, selon Nietzsche, hein, qui domine l'Europe depuis des siècles et qui nous pousse à vouloir renoncer, encore une fois, hein, à certains aspects de notre être, de notre existence, en fait. Nous sommes portés à vouloir nous considérer comme de purs esprits, ou avant tout comme étant des esprits, et puis secondairement simplement comme des corps, de sorte que au mieux tout ce qui relève du corps se trouve dévalorisé. Et la conséquence de cela, effectivement, c'est que nous nous affaiblissons, selon Nietzsche encore une fois, parce que nous ne voulons pas ou nous ne voulons plus considérer, parce que nous sommes fatigués et parce que cela est difficile, nous ne voulons plus considérer ces aspects de notre existence qui sont peut-être plus difficiles à maîtriser que ne nous semble l'être notre vision de nous-mêmes comme esprit pur ou comme raison pure. Contentons-nous de raisonner de façon abstraite et surtout ne considérons pas le reste de la réalité. Le reste de la réalité, c'est ce que Nietzsche appelle le dionysiaque, tout ce qui nous compose, qui est plus sombre, plus vertigineux, qu'on n'a pas envie de regarder en face. On peut, enfin, pas forcément la seule manière pour Nietzsche de l'exprimer, mais en tous les cas, la question du dionysiaque effectivement renvoie, alors en particulier dans La naissance de la tragédie au début, puis les choses sont reprises après un peu sous une autre forme, renvoie effectivement à ce que l'existence a au fond d'elle-même. De terrible, de douloureux et d'extrêmement complexe, au point d'être en un sens irreprésentable, hein, pour une part, et qui par conséquent se soustrait, au moins dans un premier temps, à toute maîtrise, effectivement. La vision rationaliste, hein, socratique, rationaliste de la réalité, c'est un type de vision qui vise à écarter, à ne plus voir, justement, le dionysiaque, ou en tout cas l'existence dans ce qu'elle a d'extrêmement complexe à affronter et parfois d'extrêmement douloureux à affronter. L'ennemi numéro un, ou en tout cas parmi les ennemis les plus facilement désignés par Nietzsche à l'homme vers lequel qu'il appelle de ses voeux, c'est le christianisme. Oui. Alors, christianisme qui chez Nietzsche est susceptible de prendre un sens peut-être plus large qu'on s'y attend en entendant ce terme. Ce que Nietzsche appelle les valeurs chrétiennes, et il dit hein, parfois que le christianisme est une sorte de platonisme pour le peuple. Ce sont des valeurs qui remontent à bien avant ce que nous nommons le christianisme et qui renvoient par exemple à ces tendances dualistes, hein, effectivement, à ce rejet du sensible, etc., qui se retrouve également, selon Nietzsche toujours, au sein de la doctrine chrétienne, mais qui en fait existait avant elle. Rien en vérité ne s'oppose davantage à l'interprétation et la justification purement esthétique du monde que la doctrine chrétienne, qui n'est et ne veut être que morale, et qui, avec ses normes absolues, et déjà par exemple avec sa véracité divine, renvoie l'art, tout art, dans le royaume du mensonge, et qui par là le nie, le maudit, le condamne. Sous une telle manière de penser et d'évaluer, j'ai depuis toujours senti aussi une hostilité à l'égard de la vie, une antipathie rageuse et vindicative à l'égard de la vie elle-même, car toute vie repose sur l'apparence, l'art, l'illusion, l'optique, la nécessité de la perspective et de l'erreur. Dès le début, le christianisme a essentiellement et fondamentalement été un dégoût et une lassitude de la vie à l'égard de la vie, qui se sont simplement déguisés, cachés, fardés derrière la croyance en une autre vie, en une vie meilleure. Heureux qui, comme vous autres, mourrez souvent en mer, alors qu'il en est d'autres. D'autres qui vivent bêtement sur terre, gonflés comme des dindons, incapables de rentrer en eux-mêmes, pour y prendre la mesure de leur propre néant. Jusqu'à quand les impies triompheront-ils? Prenez garde. En vérité, je vous le dis, il ne suffit pas de vivre dans l'ombre des puissants pour échapper à la colère du Très-Haut. Domestique de Dieu, courbez vos fronts, baisez la poussière et la grâce des pas de celui qui nous a tous rachetés. Faute de quoi le malin aurait pourri vos âmes jusqu'à la charogne, et la puanteur aurait recouvert le monde dans l'épais brouillard du jugement dernier. Nous-mêmes sommes des orphelins de l'amour, des veufs de l'espérance, des veufs... Il est coincé. Il n'y a qu'un régime totalitaire que je craigne vraiment. La femme ! Bravo ! Voilà, cette volonté de déclin présent dans le christianisme, selon les mots de Nietzsche, hein, qui Nietzsche l'interprète justement comme un signe de maladie extrêmement profonde, de fatigue, de mauvaise humeur, d'épuisement, et d'appauvrissement de la vie. Ce sont ces mots dans l'essai d'autocritique, hein, dans Naissance de la tragédie, que vient illustrer cet extrait où on entend Alain Delon, figurez-vous, en prêtre dans le film de Jacques Deray, Doucement les basses, 1971, qui s'épuise littéralement à prêcher la bonne parole et surtout à se faire l'apôtre de la morale qui doit civiliser les hommes, y compris les plus corrompus, Céline Denain. Oui. Alors, la mise en relation du texte de Nietzsche avec cet extrait est assez intéressant. De fait, ce que moi j'entends dans cet extrait que je ne connaissais pas, je l'avoue, on entend effectivement quelqu'un qui jette l'anathème sur les hommes qui sont face à lui et qui en outre le recommande de s'humilier, hein, de baiser le sol et de baisser leur front. Et dans le texte précédent de l'essai d'autocritique, qui est la préface que Nietzsche ajoute à la naissance de la tragédie pour essayer d'y éclairer davantage la nature de son projet. Dans ce premier ouvrage philosophique qu'il avait écrit, Nietzsche vous dit effectivement que ce qui en lui provoque la défiance à l'égard donc de ce qu'il désigne sous le nom ici de doctrine chrétienne, c'est cette tendance à vouloir privilégier certaines valeurs absolues à titre de moyen de rejeter tout ce qui ne correspond pas à ces valeurs. Alors l'exemple qu'il cite ici, c'est l'exemple de la valeur de vérité qui qui ne nous semble pas généralement si dangereuse que ça. Bien au contraire. Mais Nietzsche vous dit, somme toute, ce privilège absolu accordé à la vérité fait que l'on en vient à se défier de tout ce qui relève de l'apparence, de la tromperie. L'apparence, ça peut renvoyer à l'apparence artistique que créent les artistes. Ça peut aussi renvoyer à l'ensemble des apparences sensibles dont une certaine tradition philosophique et religieuse vous dit qu'elle ne constitue pas l'essentiel de la réalité et qu'il y a, comme le dit Nietzsche dans le même paragraphe, une autre vie, une autre réalité supérieure et plus importante. Le problème, selon Nietzsche, quand on dit cela, c'est qu'on incite effectivement à se détourner de la seule réalité qu'on connaît, la réalité apparente et sensible, dans laquelle nous vivons quotidiennement, au profit d'une autre réalité ou d'une autre vie, d'un au-delà, vous dit parfois Nietzsche, qui peut-être n'est qu'imaginé, d'une part, et qui, dans tous les cas, nous détourne de nous soucier de la vie réelle telle qu'elle nous apparaît d'instant en instant et quotidiennement. D'où pour lui effectivement ce danger, d'où également cette idée qu'on évoquait tout à l'heure, cette idée que ce type de valeur est une valeur ou un jugement dépuisé, comme il le dit dans d'autres textes, parce qu'effectivement, encore une fois, on est dans une logique où il s'agit de s'épargner un certain nombre de choses et où, au lieu de regarder autour de soi et de se confronter réellement à ce qui nous entoure, littéralement, aux contradictions que recèlent les apparences, aux difficultés qu'elles recèlent, eh bien, on préfère se projeter vers un ailleurs censé être supérieur et plus intéressant, mais qui, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est qu'une sorte de moyen de fuir le réel, de fuir les apparences sensibles, pour le dire autrement. Donc, il y a une manière de considérer le christianisme et d'autres religions comme étant un remède collectif que l'on propose à ce mal que serait ce que Nietzsche nomme la fatigue, qui est l'impossibilité de voir la vie telle qu'elle est. Oui, et avec cette difficulté que c'est un remède qui est, alors soit on pourrait dire pire que le mal, ou en tout cas c'est un remède qui paradoxalement conduit à prolonger, voire à aggraver le mal en question. Dans quel sens ? Dans la mesure où moins vous vous confrontez à la réalité, plus vous cherchez à vous épargner de la fatigue, pour en revenir à notre thème, moins vous accumulez de force dans l'un des textes qui a été lu précédemment. Nietzsche parle d'une fatigue qui permet d'accumuler des forces, en fait, effectivement, au sens où dans la vie réelle, le fait de se fatiguer dans les domaines d'exercice ou sportif, par exemple, permet effectivement, en se fatiguant, d'accumuler des forces, de se renforcer soi-même. À l'inverse, si on s'épargne toute fatigue et tout effort, ben finalement, il y a une possibilité d'affaiblissement sans cesse plus grand. Si je reste constamment assise sur mon canapé en prétendant me reposer, il est possible que ma fatigue s'accroisse au lieu que je trouve le moyen, en me mouvant, en m'exerçant, d'accumuler des forces qui vont me permettre d'aller mieux plutôt que d'aller plus mal. Ça, c'est le roman Oblomov de Goncharov dont on parlera demain. L'homme qui passe ses journées sur son canapé et son divan qui ne se lève jamais, est-il fatigué ? Est-il paresseux ? Ou bien au contraire, a-t-il tout compris ? Ce sera le sujet de l'émission de demain. Restons avec Nietzsche, encore avec vous Céline Denain. On va entendre un autre texte, cette fois issu de la généalogie de la morale. On y entend l'idée que, on parlait des jugements dépuisés, que sont ces valeurs qui constituent notre société occidentale. Cette fois-ci, dans ce texte, Nietzsche nomme son ennemi, le christianisme en est un, mais surtout le symptôme phare, le plus apparent, c'est ce qu'il appelle le nihilisme, qui se traduit notamment par le fait que nous sommes fatigués, oui, mais nous sommes fatigués de l'homme. Écoutez. De temps en temps, accordez-moi, si du moins il existe par-delà le bien et le mal des protectrices célestes, accordez-moi de jeter un regard sur quelque chose de parfait, de réussi jusqu'au bout, d'heureux, de puissant, de triomphant, de la part de quoi il y est encore quelque chose à craindre. Un regard sur un homme qui justifie l'homme, sur une heureuse réussite qui apporte à l'homme son complément et son salut, grâce à laquelle on puisse garder sa foi en l'homme. Car les choses sont ainsi. C'est dans le rapetissement et l'égalisation de l'homme européen que réside notre pire danger. Car ce spectacle fatigue. Aujourd'hui, nous ne voyons rien qui veuille devenir plus grand. Nous pressentons que l'on ne cesse de décliner pour devenir plus inconsistant, plus gentil, plus prudent, plus à son aise, plus médiocre, plus indifférent, plus chinois, plus chrétien. L'homme, cela ne fait aucun doute, ne cesse de devenir meilleur. C'est justement en cela que réside la fatalité de l'Europe. Avec la peur de l'homme, nous avons également subi la perte de l'amour pour lui, du respect pour lui, de l'espoir que l'on plaçait en lui, même de la volonté dont il était l'objet. Désormais, le spectacle de l'homme fatigue. Qu'est-ce que le nihilisme aujourd'hui, sinon cela ? Nous sommes fatigués de l'homme. Wagner sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h31, Wagner dont Nietzsche disait qu'il faisait partie de ces fatigués infatigables à qui il vient peu d'idées et dès qu'il lui en vient une, citation, il ne se lasse pas interminablement de cajoler et pomponner cette idée miraculeuse. Céline Denain, on connaît l'ambivalence des rapports entre Nietzsche et Wagner. Oui. Ce qui est vrai que c'est quand on écoute Wagner, on se dit effectivement... On a envie de dire, oui, c'est une musique de l'épuisement, c'est sans doute... Bon, là, c'est la mort d'Iseux, donc c'est pas effectivement le moment où la fatigue... Enfin, c'est sans doute un moment où la fatigue est à son comble, puisqu'elle conduit à la mort. Mais ça illustre assez bien cette espèce d'état que dénonce Nietzsche, mais qu'il dénonce avec ambivalence, puisqu'il l'a autant admiré qu'il va finir par le dénoncer ensuite. Oui, alors de fait, dans la naissance de la tragédie, le jugement sur Wagner était tout autre, hein, et justement la référence, par exemple, à la mort d'Iseux dans l'opéra de Wagner était au contraire considérée comme l'exemple même d'un type d'art qui était susceptible d'enrichir la vie, d'accroître notre degré de force, si je dis les choses très très brièvement. Mais ensuite, les choses changent et la critique va devenir particulièrement dans les derniers écrits extrêmement radicale. Nietzsche vous disant, somme toute, que la musique wagnerienne est une sorte de poison, plus exactement de drogue, au sens où elle nous rend apathique. Elle nous enivre, non pas au sens où le dionysiaque enivre, hein, comme le dit parfois Nietzsche, mais au sens effectivement où nous devenons en quelque sorte incapables d'agir. Cette musique accroît notre fatigue, favorise non seulement la fatigue, mais même l'épuisement. Elle épuise nos nerfs, hein, dit parfois Nietzsche, ce qu'il oppose à d'autres types de musicalité. Voilà, à l'inverse de Mozart. Évoqué, ou Rossini, il dit à propos de Mozart et Rossini qui sont affectés d'une autre forme de fatigue, qui prend cette forme un dégoût tendre, la lassitude de ceux qui ne font que donner. Donc on voit qu'il distingue vraiment différents types de fatigue. C'est ça, voilà. C'est-à-dire il y a effectivement une fatigue qui relève effectivement d'un certain mode d'activité. Je produis une énergie gaie, par exemple, dans le cas de la musique de Mozart, et cela provoque une certain type de fatigue, mais qui est susceptible d'engendrer quelque chose de nouveau. À l'inverse de ce qui serait une fatigue de la faim. Et dans ces cas-là, effectivement, Nietzsche parle plutôt d'épuisement, hein, qui a vraiment un sens clairement très très péjoratif et négatif. Cet épuisement où je ne suis plus capable de rien faire, je ne suis plus capable de sortir de moi-même, alors que le type de fatigue qui émane de la musique de Mozart ou de Rossini, c'est une fatigue qui permet de donner, en fait. C'est une fatigue généreuse qui provoque une expansion de soi plutôt qu'un rétrécissement, en quelque sorte. Et s'il est bien un remède contre la fatigue, on garde ça pour la fin. Mais c'est justement celui qui est de l'ordre de la création, oui, de l'engendrement de quelque chose. Le texte qu'on en a entendu, donc l'extrait de la généalogie de la morale, dit les choses clairement. Nous sommes fatigués de l'homme. Et c'est ce que veut dire aujourd'hui, au moment où écrit Nietzsche, donc à la fin du 19e siècle, ce qu'il appelle le nihilisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le spectacle de l'homme fatigue ? Alors, la formule ici prend un sens manifestement, on pourrait dire, réflexif, dans la mesure où ce qui nous fatigue, le « nous » renvoyant peut-être à Nietzsche lui-même et puis à ceux qu'il appelle les esprits libres, ce qui nous fatigue, c'est le spectacle de l'homme fatigué. Ou plus précisément, ce qui nous fatigue, c'est le spectacle de l'homme épuisé, en fait. Nous sommes fatigués de cet état de l'homme. Il y a d'autres textes qui ne parlent pas explicitement du nihilisme, mais où Nietzsche parle de quelque chose comme une fatigue de soi-même qui s'avère être un facteur de renouvellement de soi. Je suis fatiguée d'être dans le type d'état dans lequel je suis. Éventuellement, je suis fatiguée de me sentir fatiguée. Et cela va me pousser éventuellement à modifier, à trouver les moyens me permettant de modifier mon état. Ici, on est dans un texte qui évoque quelque chose de similaire, mais sur le plan de la culture européenne moderne, plus largement. Alors Nietzsche constate l'état d'épuisement qui est globalement celui de l'homme européen moderne. Ce spectacle le fatigue. Et c'est l'épreuve même de cette fatigue ou de ce dégoût de cet homme qui ne veut plus rien, qui est extrêmement imparfait, qui se détourne de la réalité, qui est dans un état de désespoir même absolu hein, parfois, qui pousse le philosophe effectivement à vouloir transformer l'homme et la culture moderne. C'est ce sentiment de fatigue face au spectacle de ce qui est qui entraîne la volonté d'un renouvellement ou d'une recréation. De l'homme, est-ce cela que Nietzsche reproche ou constate chez les hommes? Est-ce que c'est pas même encore plus loin que juste l'état de fatigue général? L'homme démocratique, il dit dans ce texte qu'il en veut au rapetissement et à l'égalisation de l'homme européen. C'est là que réside notre pire danger, car ce spectacle fatigue. C'est pas juste la fatigue qui fatigue. Oui, alors l'Europe démocratique est en train de devenir. Vous avez bien raison, mais les deux choses à certains égards fonctionnent ensemble, puisque pour Nietzsche, l'égalisation, la démocratisation, qui sont quasiment de synonymes, sont pour Nietzsche, alors ce qu'il appelle un facteur de rapetissement de l'homme, puisque pour Nietzsche, c'est au contraire le fait de reconnaître des différences d'homme à homme qui permet effectivement, alors le combat, la lutte, au sens où l'entendaient les Grecs, hein, la joute, le conflit, etc., qui permet à chacun de se surpasser lui-même en cherchant à surpasser les autres autour de lui. L'égalisation produit un état au mieux statique et au pire un état de dépérissement où finalement chacun cherche simplement à ressembler le plus possible à son voisin. C'est ça. Et à devenir plus inconsistant, plus gentil, plus prudent, voilà. Plus à son aise, plus médiocre, plus indifférent, plus chinois, plus chrétien. On voit qu'il met tout sur le même niveau. Tout se rejoint à terme. Effectivement, les valeurs chrétiennes, Nietzsche les appelle parfois également valeurs... Enfin, il les transpose sur le plan politique en parlant de valeurs démocratiques parce que dans le christianisme même, il y a cette idée que toutes les âmes sont susceptibles fondamentalement de se valoir en réalité. Et la fatigue, il y a un autre texte intéressant qui rejoint cela, je n'ai plus la référence en tête. Nietzsche vous dit que dans le cadre de la culture qui est la nôtre, on utilise même la fatigue elle-même comme un moyen d'égalisation, en fait. Une formule assez connue dans laquelle il dit que somme toute, prenez un saint et un criminel, faites-leur gravir une montagne de plusieurs kilomètres. À la fin, l'un et l'autre se ressembleront parce qu'ils auront été épuisés par l'effort et ils seront égaux. Donc il y a cette idée, effectivement, que la fatigue peut aussi être un moyen complémentaire d'égaliser les hommes, de les rapetisser, de les amener à l'épuisement, finalement. Et ce qui fatigue le philosophe qui contemple cet état de l'humanité, eh bien, ce spectacle le fatigue, mais cette fatigue est d'un autre ordre, effectivement. C'est une fatigue qui, cette fois, doit le pousser à chercher du nouveau, à chercher quelque chose qui soit plus favorable que la situation présente. On voit que chez Nietzsche, à la fois, il ancre sa réflexion dans quelque chose de très contemporain, un certain développement de l'Europe au moment où il vit, et en même temps, surtout quand il s'agit de la fatigue, il retrace l'histoire de cette fatigue et en assigne l'origine, même y compris au temps de la philosophie grecque. On pourrait croire que c'était mieux avant, pas du tout. Déjà, dès Socrate, il y a un basculement qui s'opère. C'est ça. Et on perd un certain rapport au monde en lui tournant le dos. En fait, ce qu'il reproche à Socrate, c'est de placer la vérité dans le monde des idées, c'est-à-dire un arrière-monde, quelque chose qui n'est pas le monde dans lequel on vit. Ou dans la raison à l'intérieur de l'homme, dans la raison plutôt que dans les instincts, les pulsions, les sentiments. En fait, il y a effectivement un basculement qui se crée... au travers, peut-être pas du fait de Socrate seul, mais en tout cas à l'époque et au travers de la figure socratique, on a vraiment un changement radical. Hein. Nietzsche vous dit que Socrate est une sorte de pivot de l'histoire européenne, dans la naissance de la tragédie. Il y a effectivement un mouvement de basculement qui s'opère à ce moment-là. Et pour la fatigue, comme pour le reste, effectivement, la fatigue chez Nietzsche a une histoire. Tout a une histoire chez Nietzsche. Il n'y a rien qui existe en soi de façon statique et qui ne soit pas soumis, alors qui n'émane pas de certaines sources, généralement plurielles, et qui ne soit pas soumis à un devenir, à des métamorphoses, parfois multiples. Cela vaut pour la fatigue comme pour toute une série d'autres choses dans un contexte nietzschien. Donc l'homme auquel Nietzsche en appelle, parce que quand même il appelle un certain homme de ses voeux, ne doit pas être trop fatigué, doit accepter de souffrir, ne pas être trop philosophe sinon il tourne le dos au monde, ne pas être trop politique non plus, trop démocratique non plus, trop bon, trop moral. C'est un homme qui est quoi ? Qui est une espèce de pulsion créatrice absolue. Non, c'est un homme qui doit... Alors, je vais avoir du mal à résumer la chose en deux phrases, mais c'est un homme qui doit reconnaître qu'il n'est pas un être purement rationnel, mais qu'il est également un être corporel. Et corporel, chez Nietzsche, ne veut pas dire composé de matière, mais composé d'une multiplicité de pulsions. C'est un homme qui, pour autant, ne doit pas céder à la facilité de ce que Nietzsche appelle parfois en français le laisser-aller des pulsions, comme s'il suffisait d'être pulsionnel et passionnel pour être un homme digne d'éloge. C'est un homme qui est doué de pulsions, mais dont les pulsions sont hiérarchisées de telle sorte que cet homme se maîtrise lui-même, que certaines pulsions en lui dominent d'autres pulsions, de façon à ce que sa vie ait une forme ordonnée, ait une direction déterminé. Un homme qui serait un pur chaos de pulsions, pour Nietzsche, c'est une forme d'humanité extrêmement faible. Hein. On rejoint de nouveau l'hyperactivité. Je me laisse entraîner par toutes mes pulsions à chaque fois qu'elles passent au premier plan. À l'inverse, effectivement, non, il peut y avoir un type d'homme philosophique, par exemple, dont la pulsion de connaissance va s'articuler à, et non pas exclure, va s'articuler à la pulsion de cruauté, puisque connaître implique d'être cruel, implique de mettre en forme et de déformer les choses, va s'articuler à la passion ou à des pulsions désirantes ou d'amour. La pulsion de connaissance dominante va englober, va régir, et non pas exclure les autres types de pulsions, pour dire les choses simplement. Et en ce qui concerne la fatigue, l'homme... Les degrés supérieurs d'humanité pour Nietzsche ne sont pas des hommes sans fatigue, des hommes qui s'abstrairaient prétendument de toute fatigue. Ce sont des hommes capables de se fatiguer de façon réitérée pour se transformer eux-mêmes, pour accumuler des forces, ou bien pour produire du nouveau. Par exemple, dans le cadre artistique, hein, Nietzsche évoque régulièrement des exemples d'artistes, hein, Michel-Ange, certains auteurs littéraires, etc., qui sont capables effectivement de se fatiguer pour produire quelque chose qui va pouvoir être jugé beau. Le mot-clé, effectivement, vous venez de le prononcer, c'est celui de transformation, de métamorphose. Peut-être est-ce là un des remèdes contre la fatigue. En tout cas, Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra, donne la parole à Zarathoustra qui prêche le grand oui adressé à la vie et qui fait de l'engendrement, de la création, la manière, l'attitude à adopter pour ne pas s'épuiser dans son existence et au contraire sans cesse proposer du nouveau. Créer, voilà la grande délivrance de la souffrance. Voilà ce qui rend la vie légère. Mais pour qu'existe celui qui crée, il faut beaucoup de souffrance et de métamorphose. Oui, vous qui créez, il faut qu'il y ait beaucoup de morts amères au sein de votre vie. Ainsi, vous êtes les intercesseurs et les justificateurs de tout ce qui est périssable. Pour que le Créateur soit lui-même l'enfant nouveau-né, il lui faut aussi vouloir être la parturiente et la douleur qu'éprouve la parturiente. En vérité, j'ai suivi mon chemin à travers 100 âmes et 100 berceaux et 100 douleurs de l'enfantement. J'ai maintes fois dit adieu. Je connais ces dernières heures qui vous brisent le cœur. Mais c'est ainsi que le veut ma volonté créatrice, mon destin. Ou, pour vous le dire avec plus de franchise, un tel destin, justement, ma volonté le veut. Tout ce qui sent souffre en moi et est emprisonné en moi. Mais mon vouloir vient toujours à moi comme mon libérateur, comme celui qui m'apporte la joie. Vouloir libère. Telle est la véritable leçon de la volonté et de la liberté. C'est elle que Zarathoustra vous enseigne. Ne plus vouloir et ne plus jauger et ne plus créer, que cette grande lassitude-là reste à tout jamais loin de moi. Même dans l'accès à la connaissance, je sens le plaisir qu'a ma volonté d'engendrer et de devenir. Et s'il y a de l'innocence dans mon accès à la connaissance, alors c'est parce qu'en elle, il y a de la volonté d'engendrer. Quel texte, Céline Donat, qui en appelle à une création. Alors on parle de l'homme nietzschéen depuis le début de cette émission. Ici, les métaphores sont toutes féminines, parce que c'est quand même celle de l'accouchement, de l'engendrement, de la parturiente. Oui, une métaphore ancienne, hein, comme on peut le rappeler en philosophie, mais dans d'autres contextes. Ce qui est avant tout intéressant, me semble-t-il, dans les formules finales du texte qui vient d'être cité, c'est qu'on voit qu'il y a, à strictement parler, une équivalence entre... ce que Nietzsche appelle la grande lassitude ou la grande fatigue, donc suivant les traductions, et puis un état dans lequel on ne peut plus vouloir et on ne peut plus créer, en fait. Être épuisé, c'est ne plus avoir de volonté, c'est-à-dire littéralement être incapable de toute action, et c'est plus spécifiquement encore être incapable de créer, de se renouveler ou bien de transformer hors de soi la réalité. Donc ici, on a quasiment quelque chose comme une définition, hein, presque. C'est assez rare chez Nietzsche, mais il faut en profiter lorsque c'est le cas. On a une sorte de définition de ce que Nietzsche désigne comme l'épuisement. Cet état, effectivement, qu'on peut aussi désigner sous le nom de nihilisme, hein, où je ne veux plus rien parce que les circonstances sont telles, parce que mes valeurs sont telles que rien ne me semble plus valoir la peine et que mon état psychophysiologique fait que je n'ai plus aucune sorte de volonté. Je demeure enfermé en moi-même dans un état au mieux purement statique. Et a fortiori, je suis incapable de chercher à me transformer moi-même. C'est-à-dire c'est un épuisement qui est tel que je ne parviens plus à trouver le minimum de volonté qui me permettrait de sortir de mon propre état, contrairement à ce que Nietzsche appelle parfois fatigue, plus de façon plus simple. Ne plus vouloir, ne plus jauger, ne plus créer, que cette grande lassitude-là reste à tout jamais loin de moi, cette suspension du vouloir, cette suspension de la volonté, c'est ça, cet état de fatigue avancée qui fait que peut-être les choses que nous sommes conduits à tourner le dos à cette existence. Pourtant, Nietzsche lui-même, à la fin de sa propre existence, est victime. Alors, est-ce qu'on peut parler de fatigue ? On a beaucoup dit qu'il était devenu fou. En tout cas, il y a cette espèce, il le dit beaucoup, y compris dans sa correspondance, cette espèce d'épuisement nerveux. Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement cet état de maladie et effectivement de fatigue dont Nietzsche se plaint en permanence dans sa correspondance. Même. Comme mon avis, il faut distinguer de la crise finale qui met fin totalement à sa vie intellectuelle. Mais effectivement, Nietzsche ne cesse de se référer à sa propre expérience et de la maladie et de la fatigue, pour dire entre autres que finalement c'est cette expérience même de la maladie et de la fatigue qui lui a permis aussi d'apprendre à trouver le moyen de se sortir, en quelque sorte, de surpasser, hein, comme il le dit parfois, de façon récurrente, cet état de fatigue et de maladie qui revient sans cesse. Mais comme Nietzsche le dit à plusieurs reprises, être en bonne santé, ce n'est pas ne pas être malade. Être un homme doué d'un haut degré de force, ce n'est pas ne jamais éprouver de fatigue. C'est somme toute éprouver la maladie et la fatigue et être capable de les surmonter en permanence. C'est ce que dit la pensée de l'éternel retour, sur laquelle il insiste beaucoup. L'éternel retour, c'est quand même le fait de choisir, de pouvoir, d'être en mesure de choisir, de revivre éternellement la vie que nous venons de vivre. C'est quand même ce qu'il appelle le poids le plus lourd. C'est ça, voilà. La thématique du poids est clairement reliée à celle de la fatigue. Ben, en fait, il ne faut pas être fatigué, ou bien, si on le dit autrement, il faut être capable de supporter la fatigue que suscite, ou que peut susciter en tout cas, la perspective de devoir revivre chacun des détails de notre vie sans pouvoir en transformer aucun, et de revivre aussi même les aspects les plus déplaisants, hein, de notre existence passée. En un sens, plutôt qu'une invitation à se débarrasser de toute fatigue, c'est plutôt une invitation à se demander, serais-je capable de supporter ce poids extrêmement fatigant à certains égards, de repasser indéfiniment par les mêmes moments parfois extrêmement désagréables que j'ai déjà vécu. Là, il faut une force surhumaine. C'est ça le modèle vers lequel on tend, on se sent tout petit. C'est l'éternel retour, hein, est censé être l'hypothèse ou la fiction ou l'idée ou le test, en quelque sorte, que l'on doit pouvoir passer, si j'ose dire, pour tenter de se diriger vers une forme d'humanité supérieure. En fait. Et on peut l'entendre comme... parce qu'effectivement, ça paraît inatteignable quand même, ce qui est proposé dans l'éternel retour, à savoir vraiment acquiescer à l'éternel retour de sa propre vie. Oui, je suis prête à vivre et revivre encore tout ce que j'ai déjà vécu dans cette vie. On y voit quand même l'idée d'une forme d'activité, de se positionner activement par rapport à ce qui nous arrive. C'est peut-être ça qu'on peut oui, garder. Oui, et c'est une forme... Dans le rapport des fatigues entre elles, en fait, c'est ça. Alors, il y a fondamentalement une forme d'acquiescement donc, qui s'oppose clairement à la tentation du détour hein, ou de la fuite qu'on évoquait tout à l'heure. Et il y a bien cette idée ici que la fatigue que suppose ce positionnement, cette acceptation, en fait, elle va effectivement nous permettre d'acquérir ou d'accumuler des forces en nous confrontant justement à cette perspective, en un sens terrible, hein, de devoir revivre indéfiniment sa propre existence. Bon, si vous n'êtes pas encore prêt à l'éternel retour, à vivre et revivre éternellement votre vie, vous pouvez tout à fait rester sous la couette. Vous allez être accompagné du duo des chats de Rossini, que Nietzsche affectionnait particulièrement. Donne envie de miauler. Merci à vous, Céline Denain. Merci à vous. Un grand merci d'être venue nous parler de Nietzsche aujourd'hui. Je renvoie à votre ouvrage Nietzsche, Généalogie d'une pensée, aux éditions Belin, sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est grand temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour, Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors grâce à vous, on retrouve le fil de cette journée spéciale organisée par France Culture. Journée spéciale sur France Culture, pourquoi la crise des migrants fracture-t-elle l'Europe ? Alors j'ai voulu savoir à cette occasion comment les philosophes se mobilisent sur cette question et peuvent aider à y répondre. Depuis le début de cette crise migratoire en 2015, que s'est-il donc passé du côté de la philosophie depuis 2 ans et demi ? Qui a pris la parole et comment ? La philosophie que l'on dit si souvent enfermée dans sa tour d'ivoire a-t-elle été si silencieuse ? On arrive au ghetto. Donc on est vraiment au milieu de nulle part. Il y a juste un portail qui vient de s'ouvrir et quelqu'un qui vient vers nous. Je m'appelle Sinama Taori, j'ai 16 ans. Je viens de la Côte d'Ivoire précisément à Abidjan. On attend le départ, on attend le convoi pour aller en Libye et espérer traverser pour rentrer en Europe. Arriver ici, c'était pas facile. La police nigérienne sont très très très très méchantes, sont très sévères. Avant d'arriver ici, ils nous ont pris de l'argent, ils nous ont frappé sur la route. Donc ici, nous sommes très discrets, c'est risqué, donc on est là, on est dans le quitté, on ne sort pas. Comme des fantômes, on ne sort pas, on est là. Dès 2015, ce qui était alors appelé la crise des réfugiés, il y a eu des prises de parole des philosophes politiques comme Étienne Balibar, Étienne Tassin, Jürgen Habermas ou Outre-Atlantique, Judith Butler. Et puis des philosophes plus touche-à-tout, hein, il faut quand même souligner une certaine dimension idéologique, Slavoj Žižek, Pascal Bruckner, sans oublier sur tous les sujets, Michel Onfray. Alors, on se fera son idée sur est-ce qu'il a pris la bonne manière de prendre une parole philosophique ou pas. Mais il faut le dire, ces prises de parole ont surtout pris la forme de tribunes et d'interventions dans les médias. Qu'en est-il des livres ? livre, au-delà de l'articulation problématique, de deux temporalités, hein, c'est toujours temps long de la recherche versus urgence de l'actualité, qui a marqué les esprits en s'engageant à la fois dans la réflexion et dans la position par un essai. Et bien à cet égard, on doit citer le petit livre de Marielle Massé paru à la rentrée de septembre aux éditions Verdier, « Sidéré, considéré, migrant en France 2017 ». Partant de sa propre sidération face à un camp de migrants coincés entre la BNF et la Cité de la Mode à Paris, sidération donc à la fois face au côtoiement indifférent entre des mondes radicalement différents et face au peu de réactions, Marielle Massé propose une réflexion sémantique, poétique et politique sur la sidération et sa transformation en considération. J'avais envie de faire un vrai voyage, solitaire sur ces terres millénaires. J'aime cette liberté de pouvoir descendre au hasard dans ces petits hôtels, le long des routes, de faire son itinéraire tous les jours, improvisé en fonction de nos rencontres, de nos horaires, de la lumière. L'homme d'image est habité par le doute et rien ne vient le rassurer. Le champ d'investigation du regard est très large, c'est sans fin. Ici en Éthiopie, le regard est talisman et même médication. Alors évidemment, ce n'est pas la voix de Marielle Massé, c'est la voix de Raymond Depardon, mais c'est au cours de son propos que Marielle Massé convoque ce documentaire « Afrique, comment ça va avec la douleur ?» Et ce qu'elle y voit, c'est ce passage de la réaction à la réflexion par la réflexivité de l'image, et c'est ainsi ce passage de la sidération à la considération. La considération, soit le fait de regarder avec attention, de faire cas, de prendre en compte chaque vie pour ce qu'elle est, sans se laisser enfermer dans la stupeur de la sidération. Et là-dessus, il faut aussi noter ce recours très récurrent au documentaire dans d'autres essais engagés. C'est ainsi le cas d'Alain Renaud avec « L'extrême et l'injustifiable manifeste pour une philosophie appliquée », qui était paru aux éditions Le Paumé il y a tout juste 2 ans, qui pour sa part se référait au documentaire de Raoul Peck, dont celui-ci « Assistance mortelle ». Le monde se mobilise pour Haïti. Les appels aux dons se multiplient, on le sait, les Français se montrent généreux. La ligne entre ingérence, appui et support est très fine. Haïti est toujours victime du préjugé qu'on a contre elle. Pays dangereux. The international community said they were going to grant so many billions of dollars to Haiti. That didn't mean we were going to send so many billions of dollars to a bank account and let the Haitian government do with it as they will. Alain Renaud voit dans le cinéma et notamment dans le documentaire une véritable philosophie politique pratique, appliquée, qui consiste à échapper aux impasses de la philosophie de principe idéaliste sans pour autant être submergé par le pathos des images. Comment donc être normatif tout en étant au plus proche de l'actualité et de la réalité et donc au plus proche de cette crise pour y apporter des réponses et des éclairages? C'est donc l'enjeu pour ces deux philosophes, lassés du silence dogmatique face à ces crises, mais aussi, et je le cite, d'un dernier livre de Christiane Voller qui a publié fin août pour une philosophie de terrain aux éditions Créafis. Avec celle-ci, elle insiste elle aussi d'ailleurs sur cette idée de documentaire. Une position documentaire, dit-elle, c'est le fait de montrer un réel donné, mais surtout de le transmettre, de l'interpréter, de donner un réel à penser. Merci Géraldine de nous rappeler que les philosophes sont nombreux à prendre parole sur la question des migrants. On peut aussi citer Guillaume Leblanc, Fabienne Brugère, Sandra Logier, il y en a vraiment beaucoup. Oui, la liste était assez longue, on ne peut pas être forcément effectivement exhaustif, mais il faut tenir en compte effectivement de ces prises de parole qui ne passent pas que par le livre, effectivement. Voilà, mais vous en avez deux, donc à nous conseiller deux, en particulier. Donc Christiane Voller qui permet toute une réflexion sur la philosophie de terrain et puis Marielle Massé qui est paru un livre Sidéré, considéré, migrant en France 2007 paru aux éditions Verdier en septembre. Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Louis Servet qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Marie Aubert, Géraldine Moss-Savoie, David Pargamin et Claire Perriman-Holt. À la réalisation cette semaine, Nicolas Berger et Annabelle Brouard. À la prise de son aujourd'hui, Victoria Asper. À la lecture des textes, Georges Clès. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la fatigue. Demain, nous parlerons d'Oblomov, le roman de Gontcharov, L'homme couché, en compagnie de Pierre Canet. Pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette série, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez tout réécouter en ligne, tout télécharger pour une durée illimitée. Afin de réécouter l'émission à l'endroit et à l'heure de votre choix, rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. Mais pour l'heure, il est 11h. Restez à l'écoute sur France Culture.